Nous devons être comme la fontaine, ou la source qui se vide continuellement jusqu'à s'étarir, et qui est continuellement alimentée par un flux invisible. Donner, continuellement pour le bien de ses semblables sans crainte de la pauvreté, et confiant dans l'infaillible générosité de la source de toute richesse et de tout bien, tel est le secret d'une vie de droiture. Selon Shoghi Effendi, 1897-1957.